بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. طيب، عندك يا محمد بارك الله فيك، ما تعريف الجمع مذكر جمع مؤنث سالم؟ ما جمع بألف والتاء مزيدتين. مزيدتين، طيب يا بارك الله فيك. طيب، عندك يا مهدي، لديك ما سينيفيكاسيون ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف والتاء على آخره. أنا في دو روبروش دو رمارك دون سيت سينيفيكاسيون. لا بروميير سي لاكال؟ Être aussi sur une autre forme, comme Sajada, qui est sur la forme par exemple. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça ? Non. La tarif, on lui a reproché quelque chose là. Madalla ala akhtar min itnatain biziadati, biziadatin alifota ala akhiri. Andak ? C'est-à-dire, dis-moi avant, qu'est-ce qui est reproché dans ce tarif ? Le akthar min itnatain. Taïb, c'est-à-dire, un deux, ce sera plus de deux féminins. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est reproché. Par rapport à quoi ? Comment le frère, il y a dit par deux exemples. Non, le frère, c'est faux ce qu'il a dit. C'est faux. Ah, c'est faux. Non, parce que des fois, il va y avoir des radicales. Il y a des radicales, il y a des qui ont pris, il y a du singulier, il y a du masculin. Et après, ils ont été féminins. Ah, c'est-à-dire, ils ont un pluriel sous la forme Jam Mouan Salem, voilà. Mais le Moufarad, il est Moudakar. Hakad. C'est compris ça, Inch'Allah ? Comme quoi, Wahbi ? Hammam. Non, non, c'est bien comme tu as dit. Hammam. Hammam, il est sous la forme. Non, commence pas. Tu dis Hammam, comme tu as dit, c'est bien. Hammam, c'est un mot. Moudakar Moufarad. Wal Jam ? Jam. À la sirat, moi, n'est-ce pas? Très bien. Également, comment? Non, un autre exemple comme ça. Pas difficile. C'est le même. Hein, avec Shadda, Hammam. Voilà. Taïb, barakallahu fik. Taïb, c'est compris? Jam, moi, n'est-ce pas? Ça veut dire pluriel, féminin. Salem, même un Salem. C'est le radical, généralement, voilà. Galiban, hein? C'est-à-dire le plus souvent, il ne bougera pas. Pourquoi on a préféré dire quoi? Galiban ya Uthman, le plus souvent. Qu'est-ce qu'il a changé? Salam. Sajdatoun, c'est ça? Et après? Voilà, c'est bon. Mais qu'est-ce qui a changé? Il a changé. Qu'est-ce qui a changé? Harakat. Sajdatoun, on dit sajazat. Ça veut dire quoi? On a eu des autres? Harakat. Ahsan. Comme quoi, il y a un autre exemple à Bilal. Là, pas Hublatoun. Hubla. Là, là. Je vous ai pas dit Hublatoun. Hubla. Alif al-Mursour. Non. Ah, c'est comme Leïla. C'est écrit comme Leïla. Hubla, Leïla. M'fum ? Barakallahu fik. Taïb. Al-jam'u mouannath salim yurfa bimada ? Yurfa biljar. Non, c'est pas bilalif. Non. Alamat al-raf. Non, ça y est, ça c'est autre chose ça. Tu vois, Jam' Mouanet Salem, on a dit quoi? Yurfa bi Damma. Taïb. Et également quoi? Yunsab. Andek? Alamet Fatha. J'ai pas très bien compris la question. Jam' Mouanet Salem, Yunsab bi Mada. Eh ben, Yunsab. Jam'. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Il n'y a pas de problème. Allah ybarik fik. Mouanet Salem. Quand il est mansoub, c'est quoi ça? C'est Kasra. Kasra. Alors en arabe, c'est quoi? Jam' Mouanet Salem, Yunsoub, Bimada. كسرة بكسرة تقوم بلا الله يبارك فيك ويجر بماذا بكسرة طعمي توس كم عندي يخصي كوا كي سورتي ديكسيبسيون سي المرفوع سي المنصوب المجرور منصوب المنصوب طيب لا كسرة on la trouve dans le jam mouanet salima kada quand il est mansoub est-ce qu'on va la trouver dans un autre mot non c'est que dans le jam mouanet salima ça il faut l'apprendre un exemple mansoub سياراتين طيب أحسنت ايش بلي دير est-ce que الناس خاص بالمفعول بي c'est-à-dire est-ce que le mansoub du mafoul du jam mouanet salim avec la kasra ce sera spécialement quand il est mafoul bi Oui, c'est bah, la question, c'est ça, demande. Donne, donnez les frères, parlez maintenant, parlez. Inna al muslimat, touta, ti. Inna al muslimat, min ahl al-jinn. Ah, c'est. Taïb. Vous avez compris ça? Inna al muslimat, min ahl al-jinn. Taïb. Ah, c'est. Taïb. Qu'est-ce que je voulais dire également? Comme ça. Inch'Allah, tout le monde a compris, hein? Très bien, bismillah, on fera. T'as amené le mythal à Darsu Tassa, c'est-à-dire l'exercice 9. Thumma adkhil al-hamza l'istifham ala al-jumal al-atiya. Il te dit, regarde attentivement l'exemple, puis fais rentrer l'hamza d'interrogation dans les phrases suivantes. أدخل طيب البحار جمع البحر موندي لا après il t'a demandé de faire entrer le hamza tout le monde dit après là on voit la hamza طيب الهمزة il va rentrer dans البحار طيب c'est à dire là la règle ce sera quoi بارك الله فيكم إذا دخلت الهمزة الاستفهام على ألف واللام tout le monde suit مدت On fera quoi ? Une prolongation. Al-Bihar, Jam, Bahr. Me faut, madame ? Al-Kalta, Hakad. Me faut ? Alors, la règle ici, si vous l'écrire, Ida dakhalat al-hamzat al-istifham ala al-alif. Wallam, muddat al-hamza al-alif wallam. Taïb, Inch'Allah ? Alors, on répète. On a Al-Bihar, Jam, Al-Bahr. On met la hamza. Al-Biharu Jam Bihar. Après, on lit à côté, il met quoi ? Al-Biharu Jam Bahr. Tout le monde y est ? Alors maintenant, toi, tu fais attention quand tu lis. Me faut ? Al-Bihar, c'est-à-dire si toi, tu veux poser une question à un frère, à un shir, et tu sais que tu vas faire entrer Hamzat l'Istifham dans un mot, il y a Alif Al-Lam, tu fais la prolongation. Me faut ? Al-Biharu Jam Bahr. Hakada. As-Samawat Jam Sama. Il a après tu travailles avec tout le monde a compris ça décalé approche toi un petit peu parce que t'es derrière là, je vois t'arrives tout le monde a compris Inch'Allah t'arrives je vous donne un autre exemple par exemple si je viens vers Mahdi je lui dis je mets Hamzat l'istifham al-mudarris qala laka hada comment je dirais al-mudarris qala laka hada Le fond, ah, shir, qala laka hakada. Vous avez compris là ? C'est-à-dire, toi, dans la tonation, de la manière dont tu parles, on sentira quoi ? De l'istifham. Le fond, madame, Inch'Allah ? T'as compris ? Tout le monde a compris, Inch'Allah ? Kamel ? Bien. Taïb. Il suffit de lire maintenant. Al-an kharashta, tu diras, Mohamed ? Al-an kharashta. Non, al-an kharashta. Au suivant. Al-yum raja abuka min dimash, tu diras ? Al-yum kharaja. Dimash. Il y a rien de difficile. La liaison, c'est quand il y a quoi ? Une secoune après. Là, il n'y a pas. Al-mudarrisu marid. Al-mudarrisu maridun. Hakada. Al-mudarrisu marid. On doit sentir dans ta lecture une question. Al-mudarrisu marid. Ashir safar. Hakada. Al-mudiru qala hada. نعم المدير قال هكذا الطالب الجديد كسر هذا الكرسي الطالب الجديد كسر هذا الكرسي؟ نعم. هذا الطالب ضربك؟ هذا الطالب ضربك. تا با في لا برونغاسيون؟ هذا غير شي دمن. احسنت. طيب ici pourquoi? C'est مفتوح. Là, il y a pas de prolongation comme tu avais fait. Mais faut ça dire ici, tu dis pas ah là là. Ah hada. Limada li ana مفتوح. Parce qu'après il y a pas الالف واللام اوتوماتيكمون هذا يتكون الطالب ضربك مفهوم هذا ان شاء الله تفضل المدير قال هكذا سيدير كوم سولا او هكذا اسم اشاره هذا كذا parce que le cas c'est comme ici tout le monde a compris cet exercice il est simple hein l'image c'est la série c'est Damas en Syrie, je crois que c'est la capitale, c'est ça? Damas. C'est considéré comme le Chem, le pays du Chem. C'est bon, inchallah? طيب, تأمل المثال ثم أجب عن الأسئلة الآتية على غراره. من خلقك؟ خلقني الله. طيب, on s'est arrêté où? On est. من ضربك؟ ضربني فلان أبي هذا هو نسبيا بارك الله فيك طيب بس كفلان من هذا فلان الله يبارك فيك ici maintenant vous les frères d'appliquer des phrases profitables hein utiliser le مفعول به des choses طيب من سألك هذا السؤال سأل هذا السؤال لا lui veut que tu utilises سألني comme khalaqani ala ghirarihi c'est-à-dire dans cet exemple là comme il est mentionné comme il a fait le frère darabani khalaqani sa'alani pas besoin de répéter les frères regardez vous maintenant vous êtes censé essayer de faire des phrases courtes je viens vers toi je te dis tu me dis tu viens vers moi, tu me dis « Men darabaka », je ne dis pas « darabani ». Là, je peux dire directement « Zayd ». Vous avez compris là ? Ça veut dire quoi ?« Darabani », j'ai supprimé le « fi'l » et le « maf'oul ». Tu as compris ? Ça veut dire là, quand je te dis « Men sa'alaka hadha as-su'al », tu pouvais dire quoi ?« Sa'alani shaykh ». Pas besoin. « Sa'alani as-su'al shaykh ». Là. Parce qu'automatiquement, on sait que c'est quoi ? C'est lui qui t'a posé la question. « Men sa'alaka hadha as-su'al », fataqul « sa'alani shaykh ». « Araka » أراك المدرس في المسجد؟ أراك المدرس في المسجد؟ رآني؟ نعم رآني. نعم. أو لم يراني. طيب رآني. طيب إن شاء الله. Et ça on en reparlera bien là. Donc trois. Il y a une règle ici. Ça s'appelle nun al-wiqaya. طيب. C'est-à-dire le nun de protection entre le verbe et le ya al-mutakallim. Darabani, ha? Qatalani, ou sa'alani. Hein, on verra pourquoi on ramène ce noun entre le verbe et le ya pour le protéger de la kasra. Parce que le verbe, on a dit quoi ? Que la kasra n'entrait pas. Taïb, ça, on le verra dans le tronc. Quand t'as dit, khalaqani Allah, t'as rajouté une fatha sur le ya. Khalaqani Allah. Khalaqani Allah. T'as dit, je crois que t'as dit khalaqani Allah. Je sais pas. Ouais. Sinon, khalaqani Allah. Voilà. الياء مفعول بي الله فاعل طيب تأمل الكلمات الآتية طيب regarde attentivement les mots suivants معنى معناه معناها طيب معنى il a un sens de quoi sens signification si vous voulez savoir la traduction طيب et tu peux l'utiliser معناها معناه معناها طيب ما معنى هذه الكلمة؟ تجيرا كوا؟ معناها طيب؟ هذا c'est-à-dire si tu veux l'utiliser c'est, là c'est juste un باب de comment utiliser ces mots-là طيب معنى معناه معناها تأمل الكلمات الآتية également la même chose regarde attentivement les mots suivants on a min زائد ما يساوي مما طيب؟ la traduction ce sera de quoi alors, ça c'est important si vous on va prendre quatre mots là. Mimma khalaqa Allahu al-insan. Khalaqahu min tin. Taïb.

Inch'Allah, tout le monde a compris, hein, Mahdi? Bien. Oui. Moi, je te dis, par exemple, men. Mahdi. Oui. Allah yabarik fik. Men il fata allati dakhala al masjid. Dakhala, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est pas mouannas. C'est hier, j'aurais dit. Allati. Non, men il fata. J'aurais dû dire quoi? Alladi. Alladi, ahsant. Barak Allah fik. Tout le monde a compris là? Tfadal. Rahman. Alladina, c'est pas de près quand on dit cela de près? Là, là, ça c'est pas Ismichara ça. Ismansoul ça. Parce que je crois que je mélange ça avec Oulaïka. Là, là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un nouveau dars. Ismichara, c'est quoi? Haoulaï. Quand c'est un pluriel. Attention, les frères, ça c'est un nouveau dars. Ismansoul. Taïb. Antallah ibarik fik. Hein, les frères, confondez pas. Ism al-Mansoul, c'est. Tu as besoin d'une phrase. Alors que Ism al-Ishara, tu fais un signe vers quoi? Vers une, deux ou trois personnes. Taïb. Et ça également, on le verra dans le 3, ça fait partie des ma'arif. Même al ma'arif, c'est-à-dire les choses qui sont définies. Mais faut, tu ne peux pas dire Alladhi, et entre moi et toi, c'est inconnu. Ça, ça sera parmi les chapitres des choses qui sont définies comme Alif wal-Lam, le prénom. Vous avez compris les noms propres, l'ism ishara, ou l'ism mansoul, ou l'mudaf, il a un ma'rifa. Mais faut madame, inchallah, ça si vous voulez noter, il n'y a pas de mal. D'accord. Alors, on reprend l'exercice. D'accord, on a quoi? On revient à l'exercice 13. Quand il nous a dit, ta'amil al-mithal, thumma uktub al-jumal al-atiya ba'd al-tahwil al-kalimat, allati tahta akhat ila jumu'. D'accord. من الفتى الذي خرج من الفصل الآن؟ من الفتية الذين خرجوا من الفصل الآن؟ عندك محمد؟ من الرجل الذي دخل بيتكم الآن؟ بلوريال؟ من الرجال الذين دخلوا بيتكم الآن؟ très bien. من الرجال الذين دخلوا بيتكم الآن؟ مفهوم هذا إن شاء الله؟ طيب أين الطالب الذي جاء أمس؟ تجرى؟ أين الطلاب الذين جاءوا أمس. أمس. أمس. très bien. أين الطلاب الذين جاءوا أمس؟ ضربت الولد الذي ضربني. ضربت الأولاد الذين. وضربت. الأولاد. c'est qui a frappé؟ ضربت. طيب. إيه الفرق؟ الأولاد. très bien. ضربت الأولاد الذين ضربني. لا ضربوني. ضربوني. طيب. Très bien. Hein? ضربت الأولاد الذين ضربوني. طيب إن شاء الله. Au suivant. Attends. Il reste rien. طيب. 14. تعمل المثال ثم اكتب الجمل الآتية بعد التحويل الكلمات التي تحت أخات إلى جمع. C'est le même exercice mais là ce sera au féminin. الطالبات التي دخلت الفصل الآن من الهند. الطالبات التي دخلت. التي. Prononce un peu le lame. دخلت. Là, il n'y a pas de dakhalat. Dakhalna, c'est un pluriel. Non, non. Dakhalna, le fasl al-an, mi al-hindi. Min al-hindi. Au suivant. Al-fatatu, allati, inda al-mudirati, ukht Miriam. Le pluriel, ce sera? Al-fatayatu, allati, inda al-mudirati, akhawatu, Miriam. Très bien. Miriam, il n'y a pas de mal qu'elle ait plusieurs sœurs. Mais faut madame, hein? Comme il a lu le frère, al-fatayatu allati 'inda al-mudirati akhawat min Maryam. طيب, c'est un groupe de sœurs qui étaient chez la directrice, et ces sœurs-là sont qui? Les sœurs de Maryam. At-tabibatu allati fi mustashfa al-wilada min Angleterre. Mustashfa al-wilada, c'est la maternité. Hein? C'est-à-dire mustashfa hôpital, wilada la naissance. Mais le mot en lui-même, ils appellent ça maternité. On dira quoi, Ayman? Pourquoi tabibati? Très bien. Très bien. Barakallahu fik. At-tabibat wallati fi mustashfa al-wiladati min Angleterre. Al-mar'atu allati dakhalat baytana 'ammati. C'est bien. Dakhalna. Très bien. Ammati. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Taïm. Et ça, tu pourrais traduire comment ? Alladhi par qui ? Hein ? Alladhi, celui. Hein ? Celui qui est rentré, celui qui est venu. Taïm. Al-Fatou, par exemple, Al-Fata alladhi ja'a. Hein ? L'adolescent qui est venu. Hakada, tu pourrais le traduire. Taïm. Ou celle qui est venue. Taïm. Personne a une question ? C'est bon, Mohamed ? Mahdi ? Mohamed ? Tout le monde a bien compris, Inch'Allah ? Kamal ? Bilal ? Taïb. Kawan Jumalan, Musta'min al-Kalimat al-Atiya. Kawana. Qu'est-ce que ça veut dire Kawan, ya Ayman ? Formé ici. Hein? Il a un autre sens ? Le fait ? Non, c'est Kawan, c'est ça ? Qu'est-ce que ça veut dire le fait ? Le fait de. Un autre. De quel est mets-toi comme ça, là, derrière le frère. Kawen, il a un autre sens. Il peut former. J'avais un mot mutakawinatun qui voilà. Qui est composé. Là comme eux. Voilà. T'as est composé, formé. L'année Wabi. Tout ça c'est des synonymes. Non mais je voulais dire une autre chose par exemple. Comme créer. Là je voulais que vous disiez. En plus, je crois qu'il y en a un. Allah, il va être des grands mariens. Tu nous as dit quoi ? Ouais, en français, c'est, on peut dire créer, former, constituer. Il faut. Barakallahu fi. Kawana. Taïb. Taïb. Rafa'a. Mam'ana Rafa'a. Élevé. Taïb. Aou levé. Khalaqa. Créer. Ada. Mam'ana Ada. Revenir. Al-Jad, on avait dit. C'est-à-dire retourner, revenir. Non, refaire, recommencer. Aad, Aïd. Oui, il n'y a pas. Ouais, ouais. À partir du mot Raja, c'est revenir, il peut avoir ce sens-là. Taïb. Al-Jad, on avait dit Abu al-Ab, ou Abu al-Um. Mimma, on avait dit quoi ? De quoi ? Bima. Avec quoi ? Lima. Pourquoi ? Et Amma ? Sur quoi ? Taïb, très bien. Essayez de faire une phrase après, Inch'Allah, pour demain. Al-Kalimat ou Al-Jadidatu. Qa'imatun jam qawa'im list. Ilaqatun jam alaqat. Ça veut dire quoi ? Un lien, une liaison. Taïb ? Et apprenez le mot bien comme ça. Ilaqatun. Taïb ? Parce que si tu mets une shadda, Allaqatun, ça veut dire quoi ? Il peut avoir un sens de nœud. Ou par exemple, s'il dit Allaqa Thawb. Comme il y a chez le frère qui fait le pressing, s'il dit Atini Allaqa, ce sera quoi ici ? Un cintre. Vous avez compris la différence ? Alors, faites attention. D'ailleurs, Allaqatun, le mot qu'on a ici, c'est quoi ? Il a un sens de lien, de liaison. Amma Allaqatun, Thiab, un cintre. Taïb, Hadara, être présent. Ranna, c'est sonner. Ma'na, sens, signification. Lahdatun, un instant. Khalaqa, c'est créer. Attin, c'est l'argile. Nar, le feu. Jarasun, jam, ajras, sonnette. Rafa'a, élevé. Iddatun, plusieurs. Ahsanta, très bien. Quelqu'un a une question par rapport à ce dors ? Rafa'a, élevé ou élevé ? Rafa'a, chez. Rafa'a, t'el walad, je l'ai levé. Oh, c'est quand il dit kalimat, t'as pas dit l'af'al jadida. C'est-à-dire, il veut te faire comprendre s'il y a un nouveau mot par rapport à ce que tu as connu dans l'exercice. Parce que tout ce qu'on a vu dans les nouveaux mots, c'était toujours des mots, les frères ? Hein ? Ah, tu veux dire pourquoi il a pas mis Ahsan ? Allah, je sais pas, tu vois. Barakallahu fikoum les frères.